Kanyangi. Auditrice, auditeur de la radio Isanganiro, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grandes articulations. Plus de 450 lauréats de l'examen d'État édition 2018-2019 n'ont pas été orientés à l'Université du Burundi. Des explications, c'est dans cette édition avec le recteur de cette université. Insalubrité au marché de Ruvumera en zone urbaine de Buyenzi. Les commerçants craignent les maladies des mains sales. Difficulté d'approvisionnement en eau potable dans les quartiers du chef-lieu de la province Ngozi avec l'application du tarif de 10 francs le bidon de 20 litres, vous l'entendrez. Et en international, Aubin Nyonghuru nous parlera de l'instabilité dans la région de Tigré en Éthiopie. La mise en onde est assurée par Séraphine Hakizimana. Rebonjour et bienvenue. Page politique pour débuter cette édition après les récentes élections que deviennent les partis politiques au parti fraude de Bunyakuri, Ragiganda Daye. Le parti est en train d'évaluer les élections, ces élections sur tous les échelons pour identifier les défis rencontrés. Kefani Widzi, président de ce parti, fait savoir que sa formation politique compte adopter des stratégies qui vont leur permettre de participer efficacement aux prochaines élections. On l'écoute au micro de Lydia Gahimbar. Notre formation politique, le Parti Soyo Frode Bunyakuri Ganda Daye, a participé aux élections générales de 2020 parce que a participé dans les élections communales, législatives et même il a soutenu l'un des candidats qui était en compétition pour les présidentielles. Cela donc montre effectivement que le parti a participé dans ces élections et au cours de ces élections, il y avait une mobilisation massive de nos militants et qui prouvait à suffisance que le parti est en vie et que le parti est en train de travailler effectivement. Après les élections, nous avons adopté une stratégie d'évaluation où à chaque niveau, ça veut dire au niveau national, au niveau provincial, au niveau communal, et jusqu'au bas de l'échelle, on est en train de faire une évaluation pour voir comment nous avons travaillé, évaluer les forces et les faiblesses que nous avons, identifier les défis qui ont poussé à ce qu'on ne gagne pas ces élections et adopter des stratégies qui nous permettront et de gagner les élections de 2025. Et ces activités que nous sommes en train de mener pour le moment, ce sont des réunions qui réunissent un petit nombre, ça veut dire les comités uniquement, et cela ne montre pas à suffisance une masse et qui prouverait que le parti est en train de travailler, mais il est en train de travailler de cette façon pour se préparer aux élections de 2025. L'heure est au préparatif pour les élections prochaines côté parti APDR, a dit Gabriel Nibanza Witonde, président de ce parti. On l'écoute. Après les élections 2020, le parti APDR se prépare en conséquence pour les prochaines élections. Vous savez que les élections se terminent, les autres commencent. C'est pourquoi nous tenons des réunions dans différentes provinces, communes, tout simplement en redynamisant les organes du parti jusqu'au niveau de base, en fait de se préparer en cause et en conséquence pour les prochaines élections. Mais aussi, nous contribuons fortement aux nouveaux élus, d'une manière ou d'une autre, en fait que quelques programmes du parti APDR soient appliqués au pays. C'est ça donc notre rôle, continuer à vivre en sérénité et en cohésion avec d'autres partis politiques. Toutefois, avec aussi l'administration, dans l'ensemble, nous préparons en conséquence pour les prochaines élections afin que nous allons gagner. Mais une fois aussi, nous allons échouer. Ça ne signifie pas que ça sera la fin du monde. Nous allons continuer le combat jusqu'à ce qu'au moins une fois, nous soyons le dirigeant de ce pays. Gabriel Nzawitonde, président du parti APDR, au micro de Lydia Gahimbare. Parlons économie à présent. Le Conseil des ministres tenu la semaine dernière a validé le document de stratégie de mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation. Le secrétaire général et porte-parole du gouvernement précise que cette stratégie apporte des solutions aux défis qui hantent le secteur industriel burundais. Prosper Nharugwamiye ajoute que ce secteur est incontournable pour le développement du pays. On l'écoute. Premièrement, document de stratégie de mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation. Ce document a été présenté par le ministre du Commerce, un plan national de développement qui développe la vision du Burundi à l'horizon 2027. Ce plan national de développement constitue un cadre de référence de la politique économique du Burundi. Il s'appuie sur des leviers traduits par la transformation du développement de nouvelles activités plus productives pour impulser l'économie. Cette transformation transformation de l'économie se fera à travers la politique nationale d'industrialisation qui a été adoptée en juillet 2019. Le secteur industriel est en effet un facteur très important dans le développement. Il était plus que temps que le Burundi se dote d'un tel outil de transformation structurelle de l'économie par sa modernisation. La stratégie de mise en œuvre de la politique nationale d'industrialisation, dotée d'un plan d'action stratégique détaillé, a été élaborée afin de donner un nouvel élan au secteur industriel. Elle montre des actions concrètes à mener pour apporter des réponses concrètes aux défis relevés dans le plan national de développement en matière d'industrialisation. La mission principale de cette stratégie est de mettre à la disposition du gouvernement et de ses partenaires au développement un outil d'opérationnalisation de la politique nationale d'industrialisation en vue de bâtir d'ici 2027 un secteur industriel dynamique, compétitif et diversifié en tant qu'élément important de transformation structurelle de l'économie. La réalisation de cette mission s'effectuera par la mise en œuvre d'actions déclinées en cette orientation politique, à savoir développer les infrastructures d'appui à l'industrialisation, industrialiser l'agriculture, le secteur des mines, la transformation des produits agricoles, industrialiser la manufacture, développer l'industrie hôtelière et touristique, mettre en place des mécanismes légaux et institutionnels de l'industrialisation. Cette stratégie définit les priorités industrielles sur base des ressources disponibles au Burundi. Après échange et débat, le document a été adopté avec certaines contributions des membres du gouvernement à prendre en considération pour améliorer le document de stratégie. À 13h03 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivant cette édition par cette page éducation. Plus de 450 lauréats de l'examen d'État édition 2018-2019 n'ont pas été orientés à l'Université du Burundi. L'incapacité de cette institution et le manque de correspondance entre les sections suivies au poste fondamental et les filières organisées à l'Université du Burundi, c'est ce qu'explique François Havyarimana, recteur de l'Université du Burundi. C'était dans un point de presse de vendredi. Il tranquillise que ces lauréats peuvent être accueillis dans des universités privées. On l'écoute. 455 candidats n'ont pas été orientés pour les raisons suivantes. La capacité d'accueil et d'encadrement largement dépassée pour les filières très sollicitées. Le manque de correspondance entre les sections suivies au poste fondamental et les filières organisées à l'Université du Burundi. Vous comprenez que l'harmonisation des filières au poste fondamental et à l'Université du Burundi constitue un des défis majeurs. À côté des 455, il y a d'autres qui ont réussi l'examen d'État, mais qu'on ne peut malheureusement pas accueillir à l'Université du Burundi, faute de place. Raison pour laquelle, parmi ces gens, certains ont été orientés à l'école normale supérieure, ou certains vont voir comment aller demander des places dans les universités privées. François Havyarimana, recteur de l'Université du Burundi. Les habitants de différents quartiers du chef-lieu de la province Ngozi disent éprouver des difficultés d'approvisionnement en eau potable sur les robinets publics. Les détenteurs de ces robinets les ont fermés, justifiant ce fait par le travail à perte dès l'application du nouveau tarif de 10 francs, le bidon de 20 litres contre 100 francs burundais. D'alors, Bernard Nguriki est chef de centre eau. De ce centre à eau, à la régie des eaux, Ngozi parle plutôt de spéculation à l'endroit des tenanciers de ces robinets qui se fixaient le prix comme ils voulaient. Il envisage rencontrer l'administration afin d'attribuer ces robinets à d'autres, quitte à servir la population. Les détails avec Apollinaire Muzagara. Bon nombre de robinets publics de différents quartiers sont fermés, et cela depuis 4 jours. À l'origine, les tenants de ces robinets, qui ne veulent pas appliquer le nouveau tarif de 10 francs le bidon de 20 litres au lieu de 100 francs, chaque personne qui s'approvisionne devrait payer 5 francs par bidon, le reste, c'est-à-dire 5 autres francs, par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Les propriétaires de ces robinets disent avoir évité un travail à perte en appliquant la nouvelle tarification. Le chef de centre à la régie des Ngozi ne parle pas de perte, mais plutôt d'une spéculation, car selon Bernard Nguriki, ils se fixaient des prix à leur gré. Il indique que la régie des eaux offre de l'eau à un prix de 224 francs le mètre cube, soit 1000 litres. Donc, selon lui, la marge bénéficiaire reste si on vend le bidon à 10 francs au lieu de 100 francs. Bernard Ngouriquier dit qu'il compte contacter l'administration pour en discuter. Ces robinets publics fermés seront cédés à d'autres qui veulent respecter cette nouvelle tarification afin que la population de la ville d'Ongozi continue à être servie. D'Ongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. D'Ongozi, rendons-nous en province Rumonge, c'est au sud du Burundi, où une vingtaine de poteaux électriques écroulés des divers lieux de la province Rumonge, des isolateurs brisés dans cette ville. Tel est le bilan des dégâts occasionnés par des pluies torrentielles et mulets de vent tombés sur ces localités vers 20h de ce dimanche. Depuis lors, le courant électrique est coupé, sauf dans une partie de la ville de Rumonge où la régie des eaux centres Rumonge avait pu le rétablir vers 10h de ce lundi. Dans les autres localités où les poteaux électriques se sont écroulés, il faudra encore du temps pour normaliser la fourniture du courant électrique, selon Onesfor Nebayoubahi, responsable de la régie des eaux centres Rumonge. Mais ce problème ne sera définitivement vidé que si tous les vieux poteaux électriques sont remplacés, indique ce responsable de la régie des eaux centres Rumonge. Revenons à mairie de Bujumbura pour parler hygiène. Des immondices sont entassés au marché de Ruvumera dans la zone urbaine de Buyenzi. Cela fait plus d'un mois, disent ceux qui exercent leurs activités à cet endroit et craignent les maladies causées par le manque d'hygiène et demandent aux chargés de la propriété des marchés de les enlever. Leonidas Minani, commissaire de ce marché, dit que la question a été déjà soumise aux autorités de la mairie et ils attendent la réponse. Le reportage est signé Jean-Marie Mayong. Ce sont certains des commerçants qui exercent différentes activités à côté de l'endroit où sont déposés les immondices provenant à l'intérieur du marché Ruvumera dans la zone Buyenzi. Arrivé à cet endroit, tu es accueilli par une odeur nauséabonde. Chose étonnante, ces immondices vont dépasser la clôture de ce marché et ceux qui sont à côté disent qu'ils sont menacés par ces odeurs. La question des immondices à ce marché est devenue un casse-tête. La société qui est chargée d'enlever ces ordures ne vient qu'une ou deux fois les trois semaines et ne parvient pas à enlever la totalité des déchets. On est débordé, on n'arrive même plus à avoir où jeter les ordures, tellement l'endroit est saturé. Les déchets arrivent même au niveau de la route. Ils demandent aux associations chargées d'enlever les immondices de le faire vite, car ils craignent d'être attrapés par les maladies dues à l'insuffisance de l'hygiène. Nous demandons qu'on enlève ces immondices, sinon nous risquons de tomber malades. Le risque s'accroît avec cette période de pluie. C'est grave. Leonidas Minani, commissaire du marché Ruvumera, dit qu'ils sont au courant de cette situation et qu'ils ont déjà soumis la question à leurs supérieurs. Les immondices sont évacués de l'intérieur du marché vers l'extérieur. Après, il y a des sociétés qui viennent les évacuer. Mais pour le moment, la question est là. Mais cette question a été soumise aux sociétés supérieures pour que la chose soit prise. Ces immondices entassés dans cet endroit, selon les personnes qui exercent leurs activités, ils affirment que ces immondices viennent d'y passer plus d'un mois sans être enlevé. Jean-Marie Mayonga, nous essayons de joindre l'autorité municipale pour réaction. En province Gitega, parlant agriculture, la vente des semences avec le système de précommande va permettre au multiplicateur des semences regroupé dans le collectif des multiplicateurs des semences du Burundi, initiateur de ce programme de travailler sans perte. Les multiplicateurs des semences de la région centre-est regroupés dans le collectif des multiplicateurs de semences du Burundi, Coprocebu, s'en réjouissent. Quant aux cultivateurs regroupés dans des coopératives agricoles, ils indiquent qu'ils seront facilités dans l'achat des semences. Et le secrétaire général de ce collectif au niveau national demande aux multiplicateurs des semences aux cultivateurs et à l'administration de travailler ensemble pour lutter contre la famine dans le pays. Le point avec Arthur Kavabushi. Pour les multiplicateurs des semences, ce mécanisme de précommande vient à point nommé. Selon Nemako Gilbert, un multiplicateur de semences dans la province de Mwaro, ils vont multiplier les semences en connaissant le marché. L'avantage, c'est que le gouvernement a reconnu que le multiplicateur de semences se donne en aidant son pays. Et un autre avantage, c'est que nous aurons un marché car les cultivateurs nous dirons à l'avance la semence dont ils auront besoin et le multiplicateur va multiplier la semence en étant sûr d'avoir un acheteur alors qu'avant on avait Le problème est de multiplier les semences et ne pas avoir de clients. Quant à Miburo Renova, représentant des coopératives et Sango dans la province de Changuzo, cette méthode vient leur réduire les distances à parcourir. C'était très difficile pour un citoyen lambda ou un membre d'une coopérative à la colline d'avoir des semences, car quand on avait besoin d'une semence de pommes de terre, par exemple, on devrait aller dans la province Kayanza. Vu la localisation de Changuzo et Kayanza, il y a un long parcours, mais Arthur Kavabushi, après une courte transition, c'est la chronique sportive. Radio Isanganiro, chronique sport. Dans la chronique sportive de ce lundi, on vous parle de l'organisation des tournois de volleyball. 11 équipes, dont 6 masculines et 5 féminines, s'affrontent dans différents tournois de volleyball organisés chaque année en mairie de Bujumbura. Selon l'association de volleyball amateur de Bujumbura VAB, en sigle Claver Ngendakuma, on a fait savoir que les équipes classées premières dans ces compétitions sont celles d'où l'on sélectionne beaucoup de joueurs pour former l'équipe nationale. La chronique sportive est signée Marie-Claire Kazenez. Différents tournois de volleyball sont organisés chaque année par l'association de volleyball en mairie de Bujumbura. Cela est dit par Claver Ngendakumana, président de la dite association. C'est à mairie de Bujumbura, chaque fois, on démarre par un tournoi d'ouverture. Après le tournoi d'ouverture, on organise le championnat proprement dit. Après le championnat, on organise le tournoi de clôture. Et après ces trois activités, il y a d'autres tournois en mémoire des disparus, en mémoire des zéros, ou play-offs, ou d'autres tournois qu'on peut appeler Caredas. Il y a d'autres qui peuvent être organisés à tout moment. Là, nos équipes participent dans ces tournois. Il précise que 11 équipes participent dans ces tournois, dont 6 équipes du côté masculin et 5 pour côté féminin. Ici, au niveau de la VAB, côté homme, nous avons 6 équipes. Elles sont anciennes. Nous avons la Mikaele, Rukinzo, la Cosmo, Sibisoro, Volleyball, Bune, Muzinga. Au niveau dames, nous avons 4 qui ont participé dans la saison écoulée. Muzinga, Rezal, CGLC, Pantaz. Malheureusement, nous avons une équipe qu'on appelle New Colombe qui n'existe plus. Mais heureusement, nous avons eu la chance d'avoir une nouvelle équipe qui s'appelle Egea Volleyball Club. En toutes lettres, c'est NF Gitega in Action. C'est une nouvelle équipe, donc on aura 6 équipes côté homme et 5 côté dame. Les équipes classées premières dans ces tournois sont celles qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales, selon toujours Claver Ngendakumana. Premières équipes du championnat de notre association. Ces équipes ont la chance de participer dans d'autres tournois organisés par d'autres institutions. Généralement, on appelle les deux premières équipes. C'est là qui participent dans ces tournois. Mais les équipes qui sortent premières au niveau national, ces équipes ont la chance de représenter le pays en dehors du pays. Autre chose, c'est que les équipes qui sont premières, généralement, si on forme les équipes nationales, ces équipes donnent beaucoup de joueurs par rapport aux autres. Dans la prochaine chronique sportive, ce président de l'association de volleyball amateur de Bujumbura expliquera comment le transfert des joueurs se fait ainsi que les défis auxquels font face l'association dont il est responsable. Marie-Claire Kazeneza, un international et les Nations Unies préviennent sur le risque très élevé de crimes de guerre qui seraient en train d'être commis dans la région de Tigré en Éthiopie. L'organisation alerte aussi sur les conséquences que le conflit entre la région de Tigré et le gouvernement fédéral pourront avoir lieu sur les pays voisins de l'Éthiopie. À la base de cet éclatement, le Parti Front de Libération du Peuple Tigré, qui dirige seul cette région, accuse le premier ministre éthiopien d'avoir progressivement marginalisé la minorité tigréenne et de séparer du gouvernement central. Voilà, 13h15 dans les studios de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette journée. Merci de l'avoir suivi.